mamie, j'ai plus le permis. J'ai vu tout le flash, vas-y à la ligne de nuit. J'aime bien ces maisons vernies. Avec elle des poursuites, ça prend des sens interdits. Quand on commence, on termine. J'aime bien ça dégaine avec son petit sac Fendi. Mais j'ai des bons souvenirs. Comme quand j'étais pas bien, tu faisais tout pour venir. Là j'étais avec Ali. On a fini dans la suite en pégué sur la corniche. Moi je me rappelle de Bibiche. On a grandi ensemble, n'importe quoi il a chiche. Givenchy, Dolce, Gabbana. Dans les rues de Monaco, Monica, Monica. Dans le Lambo noir, j'habille à Place Vendôme. Dans les rues de Panama, Monica, Monica. T'en as vu passer. T'as du vécu, ça se voit. Quand j'en t'allume, féfé. On regarde la lune par le toit. Elle veut que du luxe, que des sacs à 10 points. On pille sa flûte, normal, elle fait sa twin. Elle est cramée dans la zone, tout le monde va qu'on est dans le coin. Elle reste qu'avec des hommes, normal, elle roule son joint. Elle sort avec ses copines en boîte de Naïma. Le quartier, elle fait rien, c'est pour soigner son image. Elle reste toujours à la chicha du lundi au dimanche. Elle fait sa ninetta dans le Porsche Cayman. Givenchy, Dolce, Gabbana. Dans les rues de Monaco, Monica, Monica. Dans le Lambo noir, j'habille à Place Vendôme. Dans les rues de Panama, Monica, Monica. T'en as vu passer. T'as du vécu, ça se voit. Quand j'en t'allume, féfé. On regarde la lune par le toit. Et t'en as vu passer. T'as du vécu, ça se voit. Quand j'en t'allume, féfé. J'en garde la lune par le toit. Oui, t'en as vu passer, t'as dû vécu.